for action. For a few. Select target. Pour les gardiens, oh my god, car j'ai pas de camouflage et la rage. Commence déjà à perdre mon calme. J'arme mon chargeur, verrouille massive, me faufile, scred, où je te crie. La rime ma seule bible, sauf qu'il peut, j'file parce qu'on m'affiche à mon refus dans toute ma vie. Les débuts, les villes ils me cherchent, je prépare les mèches, ils savent pas où je crèche, c'est très chaud. Je me laisserai pas pécho, jeté dans un cachot par une bande de fachos. Hey oh, qui tu crois, qui tu croyais que j'étais? Si tu croyais que j'allais, mais c'est peut-être serré. Tu rêves, tiens tu veux, je t'en donne. J'attendrai pas car que mon heure sonne. Fugitif tapis, la vie m'a planqué, je t'ai pas demandé ton avis. Histoire de ne pas avancer quand j'avertis, la nuit tombe. Ya, guerrier de l'ombia, j'amorce ma bombe, ya, pour qu'il succombe, ya, l'heure tourne. J'ai la dalle, ouais, je crève de faim. Faut que je trouve de quoi braille avant demain. Coco, donne-moi ta thune, car là j'ai des crocs. Oh, donne ta putain de thune et aussi ton popo. Que je roule, j'allume, que je fume mon choco. Pendant qu'on y est, vas-y, donne-moi ta go. Faut que je copule, que je passe le flambeau. Guerrier du 12 représente tous mes poteaux. Du point D et d'ailleurs, j'arrive, mais le fire arrive, je suis ailleurs. Déjà le matin, 2 heures, putain ça caille sec sans high tech. Faut que je bouge, que je taille, mec, la vie est si courte, je me ferai pas serrer, pas stopper, pas trouver. Je saurai bien me terrer, errer. Je serai où on ne me cherche pas, errer. J'irai là où ils iront pas, errer. Je me cacherai partout s'il faudra, errer. Putain, putain, merde. Les guépis, les vilsies me cherchent, j'allume les mèches. Ils savent où je crèche, c'est trop chaud. Faut pas qu'ils me pécho, sinon c'est le cachot. Le cachot, F comme fugitif. J'crois que je resterai E comme évadé. Jusqu'à la fin de ma vie, L comme liberté. Faudra me l'arracher, X comme expert. Du moins j'espère. Target. You know you want it. Out of control. Terminated. If you lose, I'll be back.